La chambre du narrateur de la recherche du temps perdu est omniprésente. Elle traverse les pages avec constance et répétition pour mieux devenir, telle une chambre noire, le lieu de la transformation du réel. Entre les quatre murs, la magie opère, l'alchimie se déploie et le réel se transforme pour mieux saisir, ou créer à nouveau, le paradis que l'on souhaiterait ne pas être définitivement perdu. Dans ma veste de soie rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Tandis, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre, te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué. Toutes les nuits, tu restais là. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Tandis, un peu maudit, un peu vieilli, mes musiciens sont ridés sur ce clavier, c'est jauni. J'essaie de me rappeler encore une fois les accords de ce rock sophistiqué qui étonnait même les Anglais. Peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis. Quelle chanson. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Adèle. Magnifique. Marcel Proust n'a sans doute jamais la différence du chanteur Christophe chanté dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, un rock sophistiqué. Mais la recherche du temps perdu n'est-elle pas aussi la tentative de retrouver les paradis perdus de son enfance et des souvenirs dont il craignait qu'ils ne soient jamais perdus? Ah oui, vraiment, votre chanson est parfaite et fonctionne très bien, je crois, parce que la tonalité est nostalgique. Et pourtant, le texte est plein d'espoir. Peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Ou même quand il essaie de se rappeler les accords de ce rock sophistiqué, il n'a pas renoncé. C'est le texte d'une chanson qui n'a pas renoncé et qui en même temps est pleine de nostalgie. Et c'est vrai que dans la recherche, personne plus que Proust ne donne le sentiment qu'un monde est enfoui, qu'un amour est mort, qu'une maîtresse est morte, ou qu'un demi-dieu n'est en fait qu'un homme. C'est le champion du monde de la déception, de la perte, de la nostalgie. Et pourtant, c'est pas ça son vrai talent. Quand le cœur du lecteur se brise de nostalgie, c'est malgré l'écrivain. Le vrai talent de l'écrivain, c'est la résurrection. C'est l'espoir de retrouver, d'une certaine manière, par la grâce de la littérature, ce que nous avons perdu. Et on trouve dans la chanson de Christophe, comme dans la recherche, à des doses différentes et de différentes manières, chacun son moyen, on trouve la même ambivalence, la même tonalité nostalgique qui en réalité culmine dans l'espoir que tout n'est pas perdu et qu'on peut retrouver le temps. Vous êtes, Raphaël Antoven, l'auteur d'un dictionnaire amoureux de Proust. Amoureux, c'est comme ça que vous définiriez le lien qui vous unit à Proust ? Écoutez, s'il est vrai qu'on a l'impression de tomber amoureux des gens qui lisent dans vos pensées ou qui peuvent finir vos phrases avant vous, alors oui, on peut parler d'amour. C'est vraiment un amour. Si vous voulez, c'est un dictionnaire amoureux, et c'est un dictionnaire aimé de Proust. On se sent aimé de lui quand on le lit, c'est-à-dire on se sent entendu par lui. Les questions que moi, enfant, comme vous, comme tout le monde, je croyais être absolument seul à me poser dans la nuit, il y avait une personne qui les entendait, qui était morte depuis longtemps, mais qui les entendait, et pour cause, il s'était posé les mêmes et il les avait creusés, lui. Il y a un passage dans la recherche du temps perdu où le narrateur dit que, à lire Bergotte, l'écrivain Bergotte, il lui semblait que son humble vie et les royaumes du vrai, dit-il, n'étaient pas aussi séparés que ce qu'il avait cru, qu'ils coïncidaient. Et, ajoute-t-il, de confiance et de joie, je pleurais sur les pages de l'écrivain comme dans les bras d'un père retrouvé. Et c'est exactement ça, l'effet de la recherche du temps perdu sur certains lecteurs, dont moi. Quand on lit ces pages-là, on a tellement le sentiment que cet homme-là devance ce que nous avons pensé, qu'on pleure comme dans les bras d'un père retrouvé. Nous parlons de La Chambre cette semaine sur les chemins de la philosophie. C'est le dernier temps aujourd'hui de cette série. Et La Chambre de Proust, alors Proust écrivain mais aussi Proust narrateur, est essentielle car pour le narrateur de La Recherche du Temps Perdu, c'est entre ces quatre murs que la plupart de ses souvenirs vont remonter, qu'il va les transformer en quelque chose de présent. J'employais l'image de la chambre noire. Ça s'applique, je crois, aux expériences du narrateur et la façon qu'il a de se saisir de ce qu'il vit pour le transformer en autre chose. C'est presque de l'alchimie. C'est tout à fait de l'alchimie. Si le travail de l'écrivain est de transformer le plomb de sa petite vie en or, c'est-à-dire de la raconter de telle manière que d'autres s'y retrouvent, alors oui, bien sûr, la chambre est de l'écrivain de façon générale, mais de Proust, c'est-à-dire l'écrivain par excellence, est le lieu et le théâtre et la scène de cette alchimie. J'insiste sur un point, c'est une scène atopique, c'est-à-dire que c'est la chambre. Vous avez dit, et vous avez raison je crois, vous avez parlé de la chambre de Proust, et c'est vrai, on peut parler de la chambre de Proust, et pourtant il y en a beaucoup. Mais elles sont toutes à leur manière, qu'elles lui soient désagréables, que les objets lui donnent l'impression d'être hostiles, ou qu'elles soient au contraire très familières, toutes sont à leur manière les scènes d'une alchimie qui est résumée en une expression très étrange. Vous avez parlé de chambre noire, c'est le lieu où effectivement les images du souvenir se développent. Proust parle du kaléidoscope de l'obscurité. Ce qui est étonnant parce qu'évidemment l'obscurité abolit les couleurs, or le kaléidoscope a besoin des couleurs, mais les couleurs, ce sont à la fois celles de la lanterne magique qu'on met dans sa chambre quand il est petit et qui lui donne le sentiment que sans obscurité, évidemment, ces couleurs-là ne se déploieraient pas, mais c'est aussi le fait qu'il a besoin de l'obscurité pour donner toutes ces teintes, des teintes plus vraies que nature, aux souvenirs qui sont les siens. Donc oui, la chambre à tous égards. Et la boîte noire, puisqu'elle se souvient de tout, c'est la chambre noire, puisque c'est le lieu où les choses se développent, et c'est le kaléidoscope, puisque c'est là que le réel devient littérature, c'est-à-dire gagne en réalité, en vérité, et devient plus proche de nous et plus proche du lecteur. Alors on va se plonger aux côtés du narrateur de La Recherche du Temps Perdu. C'est dans la première partie du côté de chez Swann, Combray. Le jeune narrateur essaie de s'endormir, il se réveille, il se rendort et il écrit ces quelques lignes qui ont été ici interprétées par Denis Podalydès. Fermez les volets, fermez les yeux, écoutez. Bientôt minuit. C'est l'instant où le malade, qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur, c'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés, il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent, puis s'éloignent. Et la raie de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit. On vient d'éteindre le gaz. Le dernier domestique est parti et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède. Je me rendormais et parfois je n'avais plus que de courts réveils d'un instant. Le temps d'entendre les craquements organiques des boiseries, d'ouvrir les yeux pour fixer le kaléidoscope de l'obscurité, de goûter, grâce à une lueur momentanée de conscience, le sommeil où étaient plongés les meubles, la chambre, le tout dont je n'étais qu'une petite partie et à l'insensibilité duquel je retournais vite m'unir. Ou bien, en dormant, j'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive, retrouvé telle de mes terreurs enfantines, comme celle que mon grand-oncle me tira par mes boucles et qu'avait dissipé le jour, date pour moi d'une ère nouvelle, où on les avait coupées. J'avais oublié cet événement pendant mon sommeil. Je retrouvais le souvenir aussitôt que j'avais réussi à m'éveiller pour échapper aux mains de mon grand-oncle, mais, par mesure de précaution, j'entourais complètement ma tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des rêves. Cet entremêlement des temporalités que l'on entend dans ce texte, Raphaël Antoven, est programmatique du texte en entier de La Recherche du Temps Perdu. Dans quelques lignes ici, on a exactement le ton et la démarche même du narrateur dans ce texte. Oui, on a la démarche en métaphore. C'est pour ça que les premières pages du livre sont si troublantes. Elles concentrent absolument l'ensemble du livre qui s'y trouve vraiment à l'état de graine, à l'état de semis, à l'état d'ovule à peine fécondé. C'est magnifique. Par exemple, il dit « J'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive. » On a là le secret des transmutations proustiennes, c'est-à-dire que il ne se souvient pas du passé, il est le passé de retour. Il a simultanément tous les âges de sa vie. Et en amont de cela, il y a cette image si belle, si troublante, et en particulier aujourd'hui d'ailleurs, du malade qui voit une lumière sous la porte et qui se dit « Ça y est, le calvaire de la nuit est fini », alors qu'en réalité, il lui reste tout le désert nocturne à traverser, et il s'est convaincu que c'était terminé avant même d'avoir commencé. Et cette image-là, alors on peut la comprendre de mille manières, mais moi j'ai tendance à la lire comme l'avant-goût de toutes les déceptions du narrateur, si vous voulez. Toute la recherche du temps perdu repose sur la façon dont l'imagination qui rêve d'une rencontre est déçue au moment même de la rencontre. C'est le cas avec Bergotte, qui l'imagine comme un demi-dieu et dont il voit un écrivain ambitieux avec le nez en trompette. C'est le cas avec la Berma, qui voilà, Sarah Bernhardt, dont il imagine l'absolu et qui n'est qu'une femme. C'est le cas avec l'église de Balbec, qui l'imagine magnifique et dont il constate qu'elle n'est qu'une petite vieille ridée quand il la voit. Toute la recherche repose sur cette déception et sur le travail de réenchantement d'un réel qui nous a d'abord déçus. Or, cette déception est tout entière comprise, je crois, dans la lumière qu'on prend pour l'arrêt du jour, alors qu'elle n'est qu'une lumière d'artifice. Et ce qui est très fort dans la recherche du temps perdu, c'est que il ne s'agit pas de révoquer les lumières d'artifice à la façon de Platon, si vous voulez, qui révoque la lumière du foyer pour se tourner vers la lumière du soleil. Il s'agit de trouver dans la lumière d'artifice une saveur comparable à la lumière du soleil, à la lumière véritable, à la lumière du jour. Et tout le travail de la recherche sera non pas de traverser le désert de la nuit pour en venir au jour, comme la promesse d'une rédemption, mais de saisir dès le désert lui-même, dès la lumière, la fausse lumière, les lumières d'artifice, les objets décevants, la matière d'un émerveillement constant. Et ce programme est contenu dans le désarroi liminaire du malade qui pour l'instant ne sait pas quoi faire et dont tout le livre, c'est-à-dire toute la traversée du désert, est en réalité un enchantement des lumières artificielles. Il se satisfait de phénomènes anodins, le goût d'une madeleine, le tintement d'une cuillère sur un verre, un carillon, la saveur d'une orangeade, etc., etc. Tout ça lui suffit. Ces lumières d'artifice lui suffisent. C'est un malade qui guérit tout seul en apprenant à faire de sa maladie le scalpel du monde, au lieu de la fuir. Mais pourquoi est-ce que vous opposez l'artifice au réel? Enfin, vous insistez sur la lumière artificielle, comme si, parce que c'était la lumière d'une lampe, c'était plus artificiel que la lumière, par exemple, du soleil. Absolument, parce qu'il y a chez Proust cette différence. Elle existe. Et c'est une différence qu'il tient de Bergson, d'ailleurs, hein, enfin qu'il a en commun avec Bergson, c'est que vraiment il y a ce que nous fabriquons et il y a ce qui s'organise de soi. Il y a l'unité logique, dit Proust, et il y a l'unité vitale. Ce sont les termes proustiens pour faire cette différence. Il y a, de la même manière qu'il y a le mensonge, qui est laborieux, qui fastidieusement, laborieusement échafaude et essaye quelque essaye de se protéger de la vérité, et il y a la vérité toute ingénue qui n'a besoin d'aucune protection, qui se suffit à elle-même et qui a la nécessité de l'organisation. Et cette différence entre ce qui est artificiel ou fabriqué et ce qui est organisé ou spontané, elle est à l'œuvre dans la recherche, non pas pour nier le premier au profit du second, mais pour faire du premier, paradoxalement, la matière du second. À la façon dont, par exemple, imaginez vous marchez dans la rue, vous êtes émerveillé par la pleine lune au bout de la rue, et en réalité, au bout d'un moment, vous vous apercevez que c'est un réverbère. Le fait de savoir que c'est un réverbère vous déçoit, mais si vous êtes Proust, vous essaierez de vous en tenir à l'émotion qui était la vôtre à l'instant où vous preniez ça pour la pleine lune. C'est-à-dire, vous passerez du réverbère, vous maintiendrez le sentiment de lune malgré le réverbère. Donc oui, il y a une différence entre la fabrication et l'organisation, entre l'artifice et la spontanéité, mais elle ne se fait pas aux dépens de l'artifice, elle se fait par une sublimation de l'artifice dans la recherche. Alors que penser de l'importance accordée au rêve, et y compris dans le texte qu'on a entendu, hein, le narrateur est obnubilé par l'idée de pouvoir s'endormir et de pouvoir rêver, c'est la fin du texte, hein. Par mesure de précaution, j'entourais complètement ma tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des rêves. Il ne souhaite rien tant que de rêver, encore faut-il distinguer le rêve de la rêverie, mais c'est cet état qui n'est même pas un état de somnolence, mais un état de rêve qu'il cherche à atteindre. C'est pour se détourner du réel ou pour mieux l'atteindre ? Alors, quand il veut se réfugier dans le monde des rêves, il est le petit Marcel, un petit enfant. Il a tous les âges de sa vie, mais à l'instant où il dit ça, et chaque phrase a un âge différent dans la recherche du temps perdu. Quand il dit cette phrase, il est l'enfant que nous sommes, que nous avons été, que nous croyons avoir été et que nous sommes encore, qui continue de se mettre les oreilles sous l'oreiller en espérant, comme une couverture magique, si vous voulez, se protéger du monde. Il est l'enfant qui cherche un refuge, qui cherche un havre dans le monde des rêves et qui abolit l'existence par la décision de fuir. Plus tard, le même homme, et plus tard dans ses premières pages, au rêve se substituera la rêverie, c'est-à-dire la capacité proprement littéraire à être à la fois suffisamment rêveur pour entrevoir ce que la lucidité nous cache, et être suffisamment lucide pour être capable de raconter ce que la rêverie nous a permis d'entrevoir. Et c'est cet entre-deux, c'est cet intervalle, c'est cette clairvoyance paradoxale, cette activité passive, cet abandon en forme d'inspection du monde, qu'on appelle la rêverie, dont Proust fait la méthode par excellence de l'écriture et de la littérature, la méthode de décuplement des émotions, de métamorphose des phénomènes en énigmes de bonheur. C'est la rêverie qui occupera cette place-là, à l'heure où il écrit et à l'âge où il écrit la phrase du monde des rêves, au tout début du livre, il est encore l'enfant qui a peur, tout simplement, et qui va se réfugier, qui ne cherche dans le rêve que le refuge, alors que plus tard, il saura chercher dans la rêverie une façon d'affirmer ce qui, au départ, le terrifie, lui fait peur et le déçoit. On va encore rester aux côtés du narrateur dans sa chambre. Alors une autre chambre, cette fois-ci, c'est la chambre dans laquelle il passe ses vacances avec sa grand-mère à Balbec. Il va se lier d'amitié avec plusieurs jeunes filles, tomber amoureux de l'une d'entre elles, Albertine. Et dans le texte que vous allez entendre, le narrateur qui avait d'abord détesté la chambre de Balbec dans laquelle il se sentait étranger, eh bien, c'était ensuite habitué à elle, et désormais l'amour qu'il porte à Albertine, eh bien, l'invite à considérer cette chambre d'un œil nouveau et sans doute à célébrer le réel qu'il perçoit à travers ce filtre rose, hein, que l'amour dépose sur les murs. Écoutez le texte, toujours lu par Denis Podalydès. Ma chambre me semblait tout d'un coup nouvelle. Certes, il y avait bien longtemps qu'elle n'était plus la chambre ennemie du premier soir. Nous modifions inlassablement notre demeure autour de nous, et au fur et à mesure que l'habitude nous dispense de sentir, nous supprimons les éléments nocifs de couleur, de dimension et d'odeur qui objectivaient notre malaise. Ce n'était plus davantage la chambre, assez puissante encore sur ma sensibilité, non certes pour me faire souffrir, mais pour me donner de la joie, la cuve des beaux jours, semblable à une piscine à mi-hauteur de laquelle il faisait miroiter un azur mouillé de lumière que recouvrait à un moment, impalpable et blanche comme une émanation de la chaleur, une voile reflétée et fuyante, ni la chambre purement esthétique des soirs picturaux. C'était la chambre où j'étais depuis tant de jours que je ne la voyais plus. Or, voici que je venais de recommencer à ouvrir les yeux sur elle. Mais cette fois-ci, de ce point de vue égoïste, qui est celui de l'amour. Je songeais que la belle glace oblique, les élégantes bibliothèques vitrées, donneraient à Albertine, si elle venait me voir, une bonne idée de moi. À la place d'un lieu de transition où je passais un instant avant de m'évader vers la plage ou vers Rivebel, ma chambre me redevenait réelle et chère, se renouvelait, car j'en regardais et en appréciais chaque meuble avec les yeux d'Albertine. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie dans la chambre du narrateur de la recherche du temps perdu. C'est le lieu où nous vous invitons ce matin à séjourner le temps de cette émission en compagnie de Raphaël Antoven. La voix de Denis Podalydès semble être exactement celle du narrateur. C'est assez troublant hein, quand on l'écoute. Et il nous raconte donc comment le sentiment de l'amour, un sentiment égoïste, nous dit-il, lui fait considérer sa chambre comme étant réelle. Comment expliquez-vous que l'amour, qu'on associe généralement à une forme de transfiguration qui nous fait voir les choses beaucoup plus belles qu'elles ne sont, eh bien, permet au narrateur de voir sa chambre de manière réelle, dit-il. Non, c'est que ce qui se passe là est très simple. C'est que par la dose de bonheur, par les pulsions de bonheur que l'amour injecte au cœur, elle le rend soudain si riche en joie qu'elle le préserve de l'âpreté du réel et donc, en retour, lui donne les moyens de le regarder en face. Le miracle de l'amour quand il est heureux, ce qui est très rare chez Proust, le miracle de l'amour heureux, c'est précisément qu'il nous donne la force ensuite de regarder le réel. Chaque chose nous semble belle, même la plus anodine, même la plus ennuyeuse, même parfois la plus détestable quand on est amoureux, quand le filtre de l'amour recouvre le réel et le transfigure précisément. C'est parce qu'il le transfigure que comme si de la fumée s'était interposée entre lui et nous, nous avons les moyens de le regarder. Ce qui est beau dans ce texte là, c'est enfin il faut pour en mesurer la beauté, il faut se souvenir que la même chambre a été pour lui, vous l'avez rappelé Adèle, le lieu d'un grand désarroi, l'expérience d'une étrangeté totale. Il connaissait rien de ces objets, la pendule le terrifie, les grands rideaux violets semblent l'écouter sans répondre. Il a peur et deux choses l'apaisent, l'entrée de sa grand-mère qui soudain offre des espaces infinis à l'expansion de son cœur refoulé et le souvenir, la présence, l'aura, le parfum, l'existence d'Albertine. Ce qui est très frappant dans le texte que nous avons entendu, c'est que le narrateur est à la fois apaisé, serein, calmé par l'amour, par le bonheur qu'il reçoit, à la façon dont l'habitude lui-même dissipe la douleur, le dispense de sentir, donc il compare ça à l'apaisement de l'habitude, et dans le même temps, il éprouve un sentiment étrange, il a le sentiment que sa chambre se renouvelle. Et on est ici, et je crois presque à l'insu de Proust lui-même, du narrateur lui-même, au cœur d'un moment philosophique de la recherche très important, autour de la question de l'habitude. En fait, dans la recherche du temps perdu, l'habitude est souvent comprise comme ce qui apaise, ce qui endort le désir parfois, ce qui peut le tuer, mais ça c'est pas le problème. C'est plutôt ce qui apaise, ce qui familiarise le monde, ce qui nous rend le monde moins hostile. C'est une instance d'habituation. Or, on connaît cette vertu de l'habitude, cette vertu qui est aussi son vice, parce qu'on dit que du coup, ça tue l'amour. Ce que Proust ne sait pas, parce qu'il ne l'a peut-être pas lu, et que Ravesson a écrit quelques années auparavant, et que Bergson, lui, a lu, c'est que l'habitude est aussi le siège d'une vie retrouvée. C'est aussi le moment où, par exemple, le pianiste, par habitude, joue sans y penser, et atteint là une délicatesse qu'aucune fabrication, qu'aucune intention ne pourrait produire. Alors l'habitude, elle est ambivalente, et le narrateur implicitement éprouve cette ambivalence puisque la chambre se renouvelle à mesure qu'il est apaisé. Et pourtant, il n'assigne à l'habitude que la fonction de l'apaisement. C'est là, je crois, que le livre est encore plus riche que ce que l'écrivain voulait y mettre. On y trouve là l'esquisse de quelque chose qui s'y trouve, je crois, à l'insu même de son auteur. Proust et Bergson étaient contemporains. Vous dites que Proust n'avait pas lu Bergson, alors même que les deux, enfin le travail de Proust et le travail de Bergson ont beaucoup d'écho. en commun. Ah, ils se ressemblaient. Bon, ils étaient de la même famille. Le petit Marcel était même le témoin de mariage de Bergson. Particularité d'ailleurs, Bergson est né avant, il est mort après. Et à bien des égards, on peut considérer que ces deux cousins étaient des jumeaux, sauf que l'un donnait une version théorique de ce que l'autre expérimentait sur un mode plus littéraire. Alors, c'est vrai. Et c'est faux. La proximité entre les deux, elle est aussi spontanée, je crois, que érudite. Proust a lu Bergson un peu. Il connaît Bergson, il en connaît la thèse, il en connaît l'idée. Il y a des subtilités qui lui échappent, en particulier au moment où il écrit ce texte-là. Bergson n'a pas tout à fait fini son œuvre à ce moment-là. Mais ce qui là les distingue vraiment est tout à fait signifiant. C'est en général, Proust dit de façon plus rapide et plus éloquente et plus efficace ce que Bergson met plus de temps à dire. Ce qu'il dit de façon plus laborieuse, plus technique. En la circonstance, je crois que ce que Bergson est capable de penser de l'habitude, de la résurrection de la vie au sein même de la quotidienneté, échappe à Proust, qui ne fait que le mettre en scène sans en avoir l'idée. C'est un fait d'observation banal que l'exaltation de la mémoire dans certains rêves et dans certains états somnambuliques. Des souvenirs qu'on croyait abolis reparaissent alors avec une exactitude frappante. Nous revivons dans tous les détails des scènes d'enfance entièrement oubliées. Nous parlons des langues que nous ne nous souvenions même plus d'avoir apprises. Un être humain qui rêverait son existence au lieu de la vivre tiendrait sans doute ainsi sous son regard à tout moment la multitude infinie des détails de son histoire passée. Ces quelques lignes, on les trouve dans « Matière et mémoire » d'Henri Bergson, qui date de 1896, et on pourrait quasiment mot à mot les appliquer à la recherche du temps perdu, jusqu'à l'importance accordée au rêve, à travers lequel la multitude infinie des détails de son histoire passée surgissent à nouveau. C'est exactement l'histoire de la recherche du temps perdu. Exactement l'histoire de la recherche du temps perdu, avec, je crois, un paradoxe très puissant, qui est que Bergson parle de ces langues que nous ne nous souviendrions même pas d'avoir apprises. C'est-à-dire qu'il y a là deux mémoires. Il y a la mémoire objective, du type qui se souvient d'avoir pris des cours pour avoir appris une langue étrangère, ou bien de ses premiers cours de français. Voilà, la mémoire à souvenir. Et puis il y a une mémoire plus profonde, une mémoire qui paradoxalement exige l'amnésie, puisque c'est une mémoire qui donne soudain le sentiment que « Ah !» on sait parler cette langue-là. Vous savez, il y a cette série de films, on sort un peu de la recherche, Jason Bourne. Jason Bourne, le paradoxe de Jason Bourne, c'est que c'est un agent secret qui est amnésique. Et c'est quelqu'un qui se découvre des capacités dont il ne savait pas qu'il les avait. L'écrivain est un peu dans cette situation. Quand un phénomène le bouleverse, il découvre en lui un filon, une mine d'or, dont il ne savait pas qu'il en était le dépositaire. Mais cette découverte, ce filon, n'est pas là, quelque part, en attente d'être découvert, il a besoin, pour exister même, de la rencontre avec le phénomène qui le bouleverse. Donc, le travail de la mémoire, le travail résurrecteur de la mémoire dans la recherche du temps perdu, exige de la part du narrateur, paradoxalement, une certaine forme d'amnésie. Au départ, quand il goûte la Madeleine, par exemple, il ne sait pas pourquoi il est ému. Il est bouleversé avant de comprendre. Et une fois qu'il a compris, et qu'il essaye artificiellement de reproduire cette émotion, l'émotion s'estompe. Il a besoin d'en retrouver la spontanéité. Et pour ça, il n'y a que la littérature. Il n'y a que la littérature qui résolve le paradoxe d'une spontanéité qu'on essaie délibérément de retrouver. C'est-à-dire d'une mémoire dont on se souvient et avec laquelle on continue d'entretenir le rapport amnésique de l'écrivain. Il n'y a que la littérature qui le permette. Donc ce travail sur la mémoire, et il faut bien comprendre que le travail proustien sur la mémoire n'est pas un travail de rappel du passé, c'est un travail de sommation du passé, c'est-à-dire que le passé est présent. De présentification du passé. Le passé est immédiatement présent. Il est dans la chambre de sa tante ou de sa grande tante au moment où elle trempe un peu de Madeleine dans sa verveine. Il s'y trouve. Il ne se souvient pas qu'il y était. Il y est véritablement. Chaque souvenir est un souvenir du présent. Le passé lui est rendu présent par la mémoire et le présent se donne à lui sous la forme d'un déjà-vu. Et c'est ce double mouvement qui rend le réel si intéressant. C'est ça, c'est qu'en fait, ce que cherche Proust dans La recherche du temps perdu, c'est pas tellement ce temps perdu, c'est de retrouver la spontanéité avec laquelle un souvenir qu'il croyait perdu se ramène à lui de manière extrêmement forte, au point qu'il croit que c'est le présent, c'est cette abolition de la succession passé, présent, futur. Alors, ce que ces expériences, là, on connaît la Madeleine, c'est l'expérience cardinale, il y en a d'autres, ce que ces expériences disent, ça n'est pas un retour au passé, c'est une exaltation, du présent, c'est une mise au jour, c'est une mise au présent du passé. C'est une façon d'être le dépositaire de l'ensemble des temps dans le secret d'une conscience. Et la littérature est le moyen artificiel, pour reprendre le terme qu'on employait en début d'émission, pour recréer cette spontanéité, pour essayer de saisir le temps réellement vécu, comme il le dit. Ah voilà, c'est exactement ça. Le travail de la littérature n'est pas du tout un travail rétrospectif, qui consiste à saisir après coup ce qui nous est arrivé pour lui donner belle allure, belle forme, et le proposer ensuite à l'éternité, nimbé, maquillé, doré et embelli. Bien sûr, c'est un peu cela, mais ça n'est pas que cela, et ça n'est pas cela en son principe. Le travail de la littérature, c'est de nous rendre les choses qui nous entourent plus intéressantes que douloureuses. Le travail de la littérature est convertit le regard au présent. Ça n'est pas après coup que la littérature opère son œuvre de rédemption à la façon de Chateaubriand, que Proust adore, ou à la façon de Rousseau, que Proust aime moins, qui se font des statues rétroactives de gloire. Non, la littérature ne fait pas ça. La littérature s'empare de tous les temps, et leur donne une saveur, leur donne une qualité. Tout l'enjeu, vous avez parlé de temps perdu tout à l'heure, et de temps retrouvé, voilà. Tout l'enjeu, c'est de donner au temps perdu, au temps apparemment perdu, la qualité du temps retrouvé. Et cette décision, elle se fait jour en lui, il ne la formule, en fait, il parvient à la formuler au terme d'expériences pétrifiantes comme celle de la Madeleine, comme d'autres, etc., etc., qui lui donnent le sentiment que ce dont il se souvient est toujours là, est toujours présent. C'est la raison pour laquelle le chemin vers l'éternité, c'est paradoxalement, Proust n'emprunte pas le chemin du théorème comme Spinoza pour accéder à l'éternité. Non, il emprunte le chemin de l'expérience la plus fugace, la plus anodine, la plus singulière. Et pourtant, dans le texte, j'ai tort sur Spinoza. Pardonnez-moi, Adèle. Je dis ça, mais j'ai tort sur Spinoza puisque lui-même dit que plus nous connaissons les choses singulières, mieux nous connaissons Dieu. Je clôt cette parenthèse et je vous écoute. Pardon. Et pourtant, à plusieurs reprises dans La recherche, ce n'est pas par la littérature, mais par la musique que le narrateur semble toucher cette dimension de la vie qui lui est si chère et qui, cette fois-ci, de manière absolument spontanée, vient frapper à la porte de sa propre conscience. Le texte qu'on a entendu tout à l'heure sur la chambre apaisée par l'amour que lui procure Albertine, avec quelque chose, cette fois-ci, non pas de bergsonien, mais qui relèverait plus de Schopenhauer, pour qui l'art est consolateur, l'art procure un apaisement. Dans le texte que l'on va entendre, il s'agit cette fois-ci non pas d'amour, mais de deuil, le deuil et la perte de sa grand-mère, qui le terrifie, qui le plonge dans une grande tristesse, mais dont il ne prend vraiment conscience qu'après coup, et faites attention à la manière qu'il a de décrire les murs qui entourent sa chambre, parce que la métaphore, cette fois-ci musicale, semble être la plus appropriée pour décrire ce phénomène qui est en train de se passer. Sa grand-mère qui est morte, eh bien, lui apparaît comme étant enfin vraiment morte, c'est-à-dire véritablement réelle. J'avais oublié de fermer les volets, et sans doute le grand jour m'avait éveillé. Mais je ne pus supporter d'avoir sous les yeux ces flots de la mer que ma grand-mère pouvait autrefois contempler pendant des heures. L'image nouvelle de leur beauté indifférente se complétait aussitôt par l'idée qu'elle ne les voyait pas. J'aurais voulu boucher mes oreilles à leur bruit, car maintenant, la plénitude lumineuse de la plage creusait un vide dans mon cœur. Pour ne plus rien voir, je me tournai du côté du mur, mais hélas, ce qui était contre moi, c'était cette cloison qui servait jadis entre nous deux de messager matinal. Cette cloison qui, aussi docile qu'un violon à rendre toutes les nuances d'un sentiment, disait si exactement à ma grand-mère ma crainte à la fois de la réveiller et, si elle était éveillée déjà, de n'être pas entendue d'elle et qu'elle n'osa bouger. Puis, aussitôt, comme la réplique d'un second instrument, m'annonçant sa venue et m'invitant au calme. Je n'osais pas approcher de cette cloison plus que d'un piano où ma grand-mère aurait joué et qui vibrerait encore de son toucher. Je savais que je pourrais frapper maintenant, même plus fort, que rien ne pourrait plus la réveiller, que je n'entendais aucune réponse, que ma grand-mère ne viendrait plus. Et je ne demandais rien de plus à Dieu, s'il existe un paradis, que d'y pouvoir frapper contre cette cloison les trois petits coups que ma grand-mère reconnaîtrait entre mille, et auxquels elle répondrait par ses autres coups qui voulaient dire « Ne t'agite pas, petite souris, je comprends que tu es impatient, mais je vais venir. » Et qu'il me laissa rester avec elle toute l'éternité, qui ne serait pas trop longue pour nous deux. Où l'on retrouve le paradis perdu de Christophe qui a ouvert cette émission ici pour le narrateur, le paradis, eh bien ce serait de frapper trois coups contre la cloison qui séparait sa chambre de celle de sa grand-mère et d'entendre la réponse de sa grand-mère qui l'appellerait « petite souris ». Là encore, ce qui est absolument bouleversant, c'est non seulement la véracité avec laquelle il ressaisit ce sentiment de deuil, et le fait qu'au moment où il le décrit, il redevient un petit enfant, il veut qu'on l'appelle « petite souris », et c'est cette rencontre entre ces deux sentiments très intenses qui est vraiment bouleversante pour le lecteur. C'est-à-dire que quand sa grand-mère meurt pendant 2 ans, il s'en fout un peu, enfin il vit avec, quoi. C'est pas très grave, ça va, sa grand-mère est morte. Et il se reproche un peu d'ailleurs, il s'étonne même de ne pas regretter davantage la personne qu'il avait tant aimée de son vivant. Et puis un jour, en refaisant les lacets de ses chaussures, arrivé à Balbec, dans l'endroit où il était avec elle quelques années auparavant, en défaisant les lacets de ses bottines, il a le cœur gonflé, il a une expérience, une sorte d'anti-Madeleine, puisque c'est pas une expérience de bonheur, c'est une expérience de douleur. Il voit le visage tendre, préoccupé et un peu déçu de sa grand-mère penchée sur ses bottines quelques années auparavant. Et dans cette expérience qu'il fait, il fait toute la différence entre le fait de savoir que sa grand-mère est morte, bon, très bien, c'est comme savoir que nous allons mourir, ça on le sait, ça nous empêche pas de vivre, et le fait de sentir que sa grand-mère est morte, ce qui n'a rien à voir, comme le fait de sentir que nous allons mourir, qui très vraisemblablement nous ferait faire d'autres choses que ce que nous faisons au quotidien. Eh bien, cette conscience du deuil, qui est le deuil véritable, se trouve à l'extrême centre de la recherche. On est dans les intermittences du cœur, on est dans Sodome et Gomorre. Cette conscience du deuil est chez lui le de la même manière qu'un amour de soi ne concentre toutes les douleurs de l'amour. Là, on a toutes les douleurs de la mort qui sont concentrées et l'avant-goût du grand deuil d'Albertine. Et bien sûr, il a tous les âges de la vie et il a en particulier l'âge de l'enfant qu'il était quand sa grand-mère le consoler de sa douleur quand elle entrait dans sa chambre et qu'à la détresse de son cœur s'ouvrait immédiatement l'expansion de... Enfin, elle offrait l'expansion d'espaces infinis. Donc oui, c'est la petite souris. Mais c'est surtout ce qui me frappe, moi, là-dedans, dans ce deuil de la grand-mère qui dure 20 pages et qui est un prélude à Albertine disparue, un prélude au grand deuil d'Albertine, comme le deuil de Swann est un prélude à la détresse du narrateur, c'est que sa passion, sa tristesse, sa douleur transforment la cloison en piano. C'est très beau parce que, vous savez, quand il se souviendra d'Albertine, quand il la décrira notamment dans La Prisonnière, il la décrira endormie et la façon il décrira longtemps, il s'attardera longtemps sur la façon dont il joue de son corps pendant qu'elle dort très délicatement. Et il en joue, dit-il, comme d'un Stradivarius. Et en fait, à l'endroit où nous nous trouvons de la recherche, les seules expériences musicales dont il dispose, c'est du piano. C'est Albertine, elle ne joue pas encore, mais c'est... Si, elle joue déjà, il l'a déjà entendu jouer. C'est Odette qui joue du piano. C'est la petite sonate de Vinteuil, c'est la musique. C'est ce morceau extraordinaire, c'est ces 5 notes qui sont si fines et si précises qu'elles semblent résumer et affirmer toutes les émotions de la vie. Il ne connaît que ça. Et ne connaissant que cela, sa tristesse immédiatement donne à une cloison les contours d'un piano, c'est-à-dire que immédiatement le réel se transforme en instrument dont l'écrivain va pouvoir jouer ensuite. On est ici dans on est sorti de Schopenhauer. Tout à l'heure, la chambre, la douleur était apaisée par l'habitude. Là, la douleur est extrême, Elle est vraiment vécue et comme il dit lui-même, je voulais respecter l'originalité de ma douleur. Il veut souffrir, non pas parce qu'il aime ça, mais parce qu'il déteste ça et parce qu'il veut faire quelque chose de cette douleur. Il comprend qu'elle n'a aucun sens, mais qu'il faut vivre pour le savoir et qu'il faut convertir le désespoir en œuvre, convertir les larmes, les sanglots en musique, convertir les cloisons en piano ou les corps de femmes en Stradivarius. Il fait œuvre de son désespoir et encore une fois, tout ça est pour l'instant, puisque Albertine n'est pas morte, pour l'heure. Elle va même arriver de son beau rire dissiper la tristesse du narrateur dans quelques pages. Tout cela se trouve ici à l'état là encore de graines, de semis, d'avant-goût considérable de ce qui arrivera dans la prisonnière. Et dans Albertine disparue, bien sûr. Avec cette dernière phrase qui est très emblématique, « Ne t'agite pas, petite souris, je comprends que tu es impatient, mais je vais venir », dit-il, faisant parler sa grand-mère, et qu'il me laisse à rester avec elle toute l'éternité qui ne serait pas trop longue pour nous deux. Il y a une tonalité étrange dans ce texte. Juste avant, il a fait référence à Dieu, et donc au paradis. S'il existe un paradis, ce serait que ma grand-mère puisse à nouveau me répondre quand je donne trois petits coups sur la cloison. Et cette fois-ci, il parle d'éternité, de Dieu, de paradis, comme s'il se hissait hors du réel et du temps vécu, de la durée, dirait Bergson. Ça lui vient de temps en temps, ça. Il a des petites pulsions de temps en temps mystiques, paradisiaques, édéniques, notamment quand Albertine meurt. Et puis, quand Albertine meurt, par exemple, c'est drôle, il imagine des vies au-delà de la vie, etc., etc. Il se met à y croire un petit peu, et puis il se dit, mais enfin, qu'est-ce qui me garantit que je vais retrouver son corps tel que je le connaissais? Et comme il n'a aucune garantie là-dessus, il finit par renoncer aux ressources de la religion, auxquelles il cède très peu de temps, aux artifices de la religion pour leur substituer la réalité d'une résurrection, la seule discipline résurrectrice, c'est-à-dire la littérature. Et quand il dit « Ne t'agite pas, petite souris », quand il écrit, il fait parler sa grand-mère, « Ne t'agite pas, petite souris, je comprends que tu es impatient, mais je vais venir », la petite souris, c'est aussi le temps perdu. C'est aussi le désarroi face au temps perdu. Et qui lui parle ici? C'est le temps retrouvé. C'est la capacité par la littérature de rendre le jour à sa grand-mère. Et de fait, quand on lit « La recherche du temps perdu », on a sous les yeux Bathilde, madame la grand-mère, qui est la grand-mère de toutes les grand-mères, la reine des grand-mères. Personne n'a plus que lui donné le sentiment de ce que pouvait être l'amour d'une grand-mère. Et c'est ça l'enjeu, en somme. Donc évidemment, je comprends que tu es impatient, ça veut dire je comprends que tu es malheureux, mais je vais venir. C'est pas la grand-mère qui va venir, c'est le talent. C'est le talent de la ressuscité qui va lui venir. Et quand il dit qu'il me laissa rester avec elle toute l'éternité qui ne serait pas trop longue pour nous deux. Pourquoi l'éternité ne serait-elle pas trop longue? Parce qu'il ne s'agit pas d'une perpétuation indéfinie de la durée. Il ne s'agit pas d'être pour toujours avec sa grand-mère quelque part. Il finirait par s'emmerder. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement éternellement de revivre les moments qui, en eux-mêmes, même s'ils étaient fugaces sur l'instant, ont une qualité d'éternité que seul l'écrivain peut faire jaillir. Mais est-ce que vous diriez que Proust est un amoureux du réel lui-même et qu'il a besoin de la littérature pour fixer ce réel et pour mieux le saisir dans son essence? Ou est-ce que c'est pas son souci, le réel finalement, et c'est plus ce temps-là? Vous savez, il dit un peu plus loin dans la recherche, il dit cette réalité, la réalité n'existe pas pour nous tant qu'elle n'a pas été recréée par notre pensée. C'est le moment en fait où il s'aperçoit, où il comprend que sa grand-mère est morte, où il comprend que plus d'une année après son enterrement, dans un désir fou de se précipiter dans ses bras, il vient d'apprendre qu'elle était morte. Cette expérience est extraordinaire parce que la grand-mère meurt, ça c'est le réel. Mais en fait, c'est le réel de tout le monde. Elle est morte pour tout le monde. Tout le monde sait qu'elle est morte. C'est le réel des calendriers, c'est le réel objectif, c'est le réel de la fabrication. C'est le réel aussi de la synthèse. Et puis, il y a le sentiment que sa grand-mère est morte. Et ce sentiment, c'est pas simplement une recréation, c'est une résurrection. Résurrection de la douleur. Savoir que quelqu'un est mort et apprendre que quelqu'un est mort. La recherche du temps perdu, et c'est en ça que c'est une œuvre tout à fait philosophique d'ailleurs, est un travail qui nous fait passer du savoir objectif au sentiment vécu. C'est ça, hein, le temps perdu, le temps retrouvé. Le temps perdu, c'est le temps... Alors que c'est souvent l'inverse en philosophie, on parle du sentiment pour aller vers le oui, savoir. Oui, on se dit que la philosophie nous élève... Transformer le savoir en sentiment. Tout à fait. On se dit que la philosophie nous élève de l'opinion vers la raison, du sentiment vers le savoir, de l'expérience vers le théorème, etc., ou vers la théorie. Bien sûr, elle fait cela, mais la philosophie est aussi une discipline qui nous apprend à sentir ce que jusque-là nous nous contentions de penser. Et c'est vrai qu'on ne pense sérieusement, par exemple, la question de la mort, que si on comprend à quel point on essaie d'y échapper et la somme de déni que l'on injecte là-dedans. Il faut, pour penser les choses, les sentir. Et c'est la grande leçon de la recherche du temps perdu. C'est pas une anti-philosophie, c'est une philosophie qui part du principe qu'on ne peut véritablement penser que ce qu'on éprouve. Or, la plupart du temps, notre travail consiste à fuir l'émotion parce qu'on en a peur et à la transformer en pensée. Ça, c'est l'alchimie philosophique qui est en réalité une squelettisation du réel. L'alchimie proustienne est une façon de rendre leur chair aux choses, leur chair, c'est-à-dire leur caractère temporel, fugace, provisoire, mais de le leur rendre à jamais. Et c'est ainsi qu'il nous rend le réel. Et c'est en cela que la philosophie proustienne nous tourne vers le réel au lieu de le synthétiser, au lieu de le généraliser et par là même de le rendre moins douloureux. Je ne résiste pas au plaisir d'entendre un quatrième et dernier texte, Raphaël Antoven, toujours lu par Denis Podalydès. Vous avez évoqué l'importance de l'habitude. Eh bien, on va entendre dans ce texte que Proust dit de l'habitude. On va retourner dans les chambres, justement, et cette fois-ci, il en évoque plusieurs. Ce n'est plus la chambre, c'est les chambres qu'il a habitées toute sa vie. Et on va essayer de comprendre en quoi est-ce que la chambre est le lieu par excellence du déploiement de l'habitude. J'avais revu tantôt l'une, tantôt l'autre des chambres que j'avais habitées dans ma vie, et je finissais par me les rappeler toutes, dans les longues rêveries qui suivaient mon réveil, où ma pensée, s'efforçant pendant des heures de se disloquer, de s'étirer en hauteur pour prendre exactement la forme de la chambre et arriver à remplir jusqu'en haut son gigantesque entonnoir, avait souffert bien de dures nuits, tandis que j'étais étendu dans mon lit, les yeux levés, l'oreille anxieuse, la narine rétive, le cœur battant. Jusqu'à ce que l'habitude eût changé la couleur des rideaux, fait taire la pendule, enseigné la pitié à la glace oblique et cruelle, dissimulé sinon chassé complètement l'odeur du vétiver, et notablement diminué la hauteur apparente du plafond. L'habitude, aménageuse habile mais bien lente, et qui commence par laisser souffrir notre esprit pendant des semaines dans une installation provisoire, mais que malgré tout, il est bien heureux de trouver. Car sans l'habitude, et réduit à ses seuls moyens, il serait impuissant à nous rendre un logis habitable. On retrouve ici le narrateur qui a du mal à trouver le sommeil et qui est dans un état, alors est-ce qu'on dirait de rêverie, en tout cas de celui qui souhaite de tout son cœur pouvoir dormir et qui n'y parvient pas, ce qui l'invite à amorcer une sorte de méditation sur le rôle de l'habitude qu'il relie ici directement à la couleur des rideaux et au bruit de la pendule. On se demande si ici ce sont les murs qui lui parlent et qui comme une injonction à réfléchir sur l'habitude, ou si c'est lui qui plaque sur les murs le propre état douloureux qu'il est en train de traverser. La question se pose, Raphaël Antoven. Mais bien sûr, c'est magnifique ce combat entre l'inconfort et l'habitude, hein, où la pensée comme un contorsionniste se disloque, s'étire en hauteur, essaie de prendre la forme de la chambre. Et alors, ce qui est beau, c'est que l'habitude, le dispense de cet effort. Voilà, c'est bon, ça y est, maintenant, on s'y fait. Il n'y a plus besoin de tant de gymkhana pour essayer de trouver le sommeil dans cette piole étrange. L'habitude, aménageuse habile, mais bien lente. En réalité, je crois, l'écrivain n'existe aussi que par l'effort qu'il fait, non pas pour s'habituer à la chambre, mais pour en assumer l'étrangeté, pour en assumer la dureté, pour en assumer la violence, pour consentir au fait que les objets qui s'y trouvent ne sont pas là pour nous. L'un des grands paradoxes de Proust, c'est que ce qu'il se donne comme objet de recherche est terrifiant, terrifiant. Et pourtant, c'est un homme extraordinairement fragile qui se donne un objet de recherche aussi terrifiant. L'enjeu, c'est de ne pas mourir tout à fait quand on meurt, hein. C'est quand même ça, la recherche. Comment faire pour que tout ne meure pas avec soi? À l'image du type qui essaie de sauver ses rêves quand il passe la douane du réveil. Voilà, comment faire pour ne pas mourir tout à fait? Et pourtant, c'est l'homme le plus fragile et le plus sensible et le plus douloureux qui se pose une telle question. Peut-être les deux sont-ils liés, mais c'est la raison pour laquelle il a tant besoin de l'habitude. J'ai parlé tout à l'heure de rêverie. Quand il parle des longues rêveries, il faut quand même insister là-dessus. La rêverie proustienne, ça n'est pas exactement la même chose que l'habitude. La rêverie lui vient d'un décalage, lui vient d'un déplaisir, lui vient d'une stupeur, lui vient de voilà. Alors que l'habitude assoupit cela, endort la rêverie au profit non pas du temps retrouvé, mais disons du temps géré, du temps tué. Ça n'est pas le temps perdu, ça n'est pas le temps retrouvé, c'est le temps tué. Je pense que le narrateur vit l'habitude de cette façon-là, et qu'encore une fois, à son insu, il nous donne les moyens aussi de saisir au cœur même de l'habitude ce qui la nie, c'est-à-dire la résurrection de la vie véritable, celle qu'on vit sans y penser. Les bonheurs qu'on éprouve sans en avoir conscience, les jouissances qui exigent de notre part un oubli total de nous-mêmes. Finalement, c'est à cet état-là qu'on parvient dans la recherche du temps perdu, en certains endroits. C'est une sorte d'oubli de soi qui est une présence au monde. Et là, pour le coup, on n'est pas dans l'habitude, hein. C'est le contraire. On est dans la mutation de chaque phénomène en bonheur possible. On se quittera sur ces derniers termes de bonheur possible. Merci beaucoup, Raphaël Antoven, d'être venu nous parler de Proust ce matin. Merci à vous. Je renvoie à la lecture de votre dictionnaire amoureux. On se quitte. En chanson, on a commencé en chanson celle des Paradis perdus de Christophe. On se quitte avec une autre chanson, Gérard Manset, Il voyage en solitaire. Il voyage en solitaire. Nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre. Il chante. C'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Et puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire tout l'autre côté du vie où il n'y avait pas de place pour se garder. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Lundi, c'était le jour 1 du déconfinement. Et dans ce domaine, chacun a vu midi à sa porte. Certains ont repris le chemin du travail ou celui du coiffeur, d'autres ont goûté au plaisir simple d'aller au-delà d'un rayon de 1 km, redécouvrant des espaces qui leur étaient jusqu'au 16 mars encore familiers, et puis d'autres se sont rués dans les magasins. Ceux-là ont fait la une, ils ont été cités sur tous les réseaux sociaux. Moqués ou défendus, ils ont en tout cas été jugés. Le jugement, toujours lui. Pourquoi nous pose-t-il autant de problèmes ? Et oui, un retour à une vie presque normale dans toute la France, au travail, dans les magasins, dans les rues. Comment se sont déroulées ces premières heures où nous étions libres, ou à peu près, de nos mouvements ? Sylvain Milenvoie et Serge Joux. 8 semaines, sans bruit, sans animation, à attendre le réveil de la France. Le réveil, ce matin, le voilà. Il est 6h, à Nice, à Clermont, à Nancy, au Menuire, et pour quelques minutes encore,